Giorni Popò. Sarò il Popò, il Popò, il Popò, il Popò tonique, le régime Popò, il Popò calorique. Car allez Popò, allez Popò, allez Popò, glycémie. Une lipopose, une lipopose, c'est sûr.